الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. يعرف كل أسرارك ويسترها. Il connaît tous tes secrets et il ne les dévoile pas. ويعرف كل ذنوبك ويغفرها. Et il connaît tous tes péchés et il les pardonne. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. كان عيسى ابن مريم عليهما السلام يقول, Jésus, fils de Marie, que les salutations de Dieu soient sur les deux, disait, لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. Ne parlez pas trop en dehors de l'évocation de Dieu. فَتَقْسُوا قُلُوبُكُمْ. Parce que vos cœurs vont devenir durs. فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِي بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ. Et parce que le cœur dur est très loin de Dieu. وَلَكِنْ لَتَعْلَمُونَ. Mais vous ne le savez pas. وَلَا تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ كَأَنَّكُمْ آلِهَةٌ وهم عباد لكم لا تنظروا في ذنوب الناس انتم ناس مثلهم ولستم الله انتم et ne regardez pas les péchés des gens comme si vous étiez des dieux ou des divinités وانظروا في ذنوبكم كانكم عبيد et regardez vos propres péchés comme si vous étiez des esclaves فانما الناس مبتلى ومعافى. Car les gens se partagent en deux, soit un éprouvé, c'est-à-dire par Dieu, ou bien un épargné. Farhamu ahl al-bala, soyez clément, ayez pitié envers les gens éprouvés, wahmadullah al-afiyah, et remerciez Dieu si vous ne l'êtes pas. Rawahu al-imam Malik fil Muwatta, rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. قال أبو ذر رضي الله عنه. أبو ذر, ce grand compagnon, que Dieu soit satisfait de lui, dit, يا رسول الله أوصني. Ô messager de Dieu, donne-moi, fais-moi un conseil. قال صلى الله عليه وسلم, le messager de Dieu, prière et salut sur lui, dit, أوصيك بتقوى الله, je te conseille la piété de Dieu, فإنها زين لأمرك كله, parce qu'elle est, ça veut dire la piété, elle est une beauté pour tout ce que tu fais. قال أبو ذر dit, يا رسول الله زدني, au messager de Dieu, rajoute-moi autre chose, dis-moi encore plus. قال صلى الله عليه وسلم, il lui a dit, prière et salut sur lui, عليك بتلاوة القرآن وتخيل رسول الله يتكلم معك أنت معي أنا وتقول زدني ويقول لك هذا الكلام. Frère ou sœur, imagine le messager de Dieu qui est en train de te parler maintenant et tu lui dis, rajoute-moi encore plus, et il te donne encore plus. عليك بتلاوة القرآن. Tu dois réciter le Coran. وذكر الله عز وجل. Et tu dois évoquer Dieu. فإنه ذكر لك في السماء. Parce qu'il s'agit pour toi d'une évocation dans le ciel. ونور لك في الأرض. Et une lumière pour toi sur terre. قال أبو ذر dit, زدني يا رسول الله. Ô messager de Dieu, rajoute-moi encore plus. قال عليه الصلاة والسلام, il a dit, prière et salut sur lui, عليك بطول الصمت. Tu dois garder le plus longtemps possible le silence. Tu dois rester beaucoup en silence. فإنه مطردة للشيطان. Parce que le silence chasse, Satan chasse le démon. وعون لك على أمر دينك. Et c'est une aide pour toi dans les choses ou dans les affaires de ta religion. قال أبو ذر Abu Dhar dit, Ya Rasulallah, zidni, ô messager de Dieu, rajoute-moi encore plus. Qala sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Dieu, prière et sage lui, lui dit, Wa iyaka wa kafrat al-dahik, méfie-toi de l'excès du rire. Fa innahu yumitu al-qalb, fa inna al-dahik yumitu al-qalb, parce que le rire tue le cœur. Wa yadhhabu bi nuri al-wajh, et efface ou élimine la lumière du visage. Rawahu l'imam Ahmed wa ibn Hibban wa al-Hakim. Ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed, par l'imam Ibn Hibban et par l'imam al-Hakim Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes. Sallallahu alayka adada nujoumi sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, et au nom des sables du désert, wa auladi adam wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wa al-akhawatu fil islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. Na'oudu ila maydan al-akhlaq, kama wa'adtukum. On revient aujourd'hui au domaine de la morale, comme je vous l'ai promis. Wa husnul khuluq yatim bi tarki at-tiba' as-salbiyya as-sayyi'a wa taqwiyat at-tiba' al-ijabiyya al-hasana. Et le meilleur comportement, le bon comportement a lieu grâce à l'abandon, à renoncer au caractère négatif et mauvais, et renforcer et par renforcer les caractères positifs et bons. Wa al-yawma sana'ishu ma'a tab'in sayyi harramahu Allah fi ayatin karima. Et aujourd'hui, on va vivre avec un caractère négatif, avec un caractère mauvais que Dieu a interdit dans un verset coranique. Qala ta'ala, Dieu le Très-Haut dit, wa la tajassasu. Et ne vous espionnez pas. N'espionnez pas les autres. Wa tajassus huwa al-bahthu 'an 'awrati an-nas wa 'uyubihim al-mastura. Et l'espionnage, c'est le fait de chercher les intimités des gens et leurs défauts cachés. Yakun al-shay' maktoum ghayr dhahir wa tatajassas bi turuq at-tajassus li tabhata 'amma huwa maktoum. L'espionnage est le fait de chercher tout ce qui est caché. Il y a des choses cachées, tu vas utiliser les méthodes, les moyens d'espionnage afin de découvrir ce qui n'est pas découvert. Wa at-tajassus haramun fil islam. Et l'espionnage est interdit, strictement interdit en islam. Ruya an amir al-mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, on a rapporté sur l'émir des croyants Omar fils de al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, annahu sami'a bi anna rajulan yashrabu al-khamr ma'a ashabin lahu fi baytihi. L'émir des croyants Omar a entendu dire que quelqu'un, c'est-à-dire un homme, boit l'alcool avec des amis à lui dans sa propre maison. Fantalaqa Omar. Omar est parti pour le voir. Hatta dakhala alayhi min ghayr istidan. Il est entré chez lui, c'est-à-dire chez ce consommateur de vin, sans lui demander l'autorisation. فوجده مع صاحب واحد له. Et il a trouvé cet homme avec un seul ami. فقال الرجل يا أمير المؤمنين. Et cet homme a dit à l'émir des croyants, ô émir, هذا لا يحل لك. Ce que tu fais n'est pas permis pour toi. قد نهاك الله عن التجسس. Dieu t'a interdit de faire l'espionnage. قال تعالى ولا تجسسوا وانت تتجسس عليه. Dieu a dit, et n'espionnez pas ou ne vous espionnez pas, et tu es maintenant en train de m'espionner. فقال عمر صدقت. Et Omar lui a dit, tu as raison. Wa kharaja wa taraka. Et il est sorti et il l'a abandonné en train de faire ce qu'il faisait. هذا موجود في تفسير الإمام القرطبي. Cette histoire se trouve dans l'interprétation coranique de l'imam القرطبي. ومع الأسف فمن أشنع الطباع عند المسلمين هي ظاهرة التجسس. Et malheureusement, parmi les caractères les plus négatifs, les plus désagréables, est ce phénomène d'espionnage. لجمع المعلومات afin de collecter des informations. ثم نشريها بين الناس. Et après, une fois on a collecté des informations, on va les publier à travers les gens. فيشيع الخبر بسرعة البرق. Et l'information se propage à la vitesse de la lumière ou bien l'éclair. إلى درجة أن غيرنا أعطونا اسما. Jusqu'au point que les autres nous ont donné un surnom. هو الهاتف العربي. Le téléphone arabe. وكل هذا حرام. Et tout ceci est strictement haram. مع الأسف أن الإنسان لما يصادقك أو يعرفك. Malheureusement, l'individu, lorsqu'il t'accompagne, lorsqu'il devient pour toi un ami, ou lorsqu'il noue une connaissance avec toi, تجده فضولي جدا فضولي. Tu le trouves très curieux. يريد أن يعرف كل شيء. Il veut connaître toute chose. ويطرح الكثير من الأسئلة الثقيلة. أسئلة ديالو ثقيلة. ثقل من الجبال. Et il pose beaucoup de questions. Des questions lourdes. Insupportables. Plus lourdes que les montagnes. يسألك عنك. Il t'interroge. Il te pose des questions à propos de toi-même. عن عملك. Il t'interroge à propos de ton travail. Il t'interroge à propos de ta femme. يسألك عن زوجتك. يسألك تسألك عن زوجك. Ou elle t'interroge à propos de ton mari. عن أولادك. أش دخلك أسيدي أنت في هذه المشاكل كلها. Il t'interroge ou elle t'interroge à propos de tes enfants. عن بيتك. Il t'interroge à propos de ton foyer. أقول إنها قلة الحياة. Je dis. Il s'agit d'un manque de pudeur. إِنَّهَا قِلَّةُ الْإِيمَانِ. Il s'agit d'un manque de foi, de croyance. إِنَّهَا قِلَّةُ الْأَخْلَاقِ. Il s'agit d'un manque de morale. وَمَعَ الْأَسَفِ كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا يَعْرِفُونَ قِيمَةَ الْحَيَاةِ الْخَاصَةِ. Malheureusement, beaucoup de musulmans ne connaissent pas la valeur de la vie privée. الْحَيَاةِ الشَّخْصِيَةِ. La vie personnelle. وَلَا تَجَسَّسُوا. Et ne vous espionnez pas. أخي أختي. Frère, sœur. كل واحد له أسراره. Chacun a ses propres secrets. كل واحد له حياته الخاصة. Chacun a sa vie privée. وهو حر. Et il est libre. ومن حقه كتم أسراره. Et il est de son droit de garder ses secrets wa hayatihi al-shakhsiyya et de préserver sa vie intime. Falimada turid ma'rifat asrarihi? Pourquoi toi mon frère ou ma sœur tu cherches à connaître ses propres secrets? Pourquoi? Hada marad. Il s'agit d'une maladie. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière et salut sur lui dit min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Le fait qu'une personne ne se mêle pas des choses qui ne la concernent pas est un indicateur de son bon islam. Ainsi dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rawahu Tirmidhi wa Ibn Majah. Ce hadith a été rapporté par l'imam Tirmidhi et par l'imam Ibn Majah. Bima'na alladhi yudkhilu anfahu fi ma la ya'ni laysa bi muslimin hasan. Ce hadith signifie que celui qui met le nez dans des choses qui ne le concernent pas n'est pas un bon musulman. من يدخل أنفه فيما لا يعني سيشم رائحة لا ترضيه. Celui qui va mettre le nez dans des choses qui ne le regardent pas va sentir une odeur qui ne lui plaît pas. المثل يقول, le proverbe dit, من تدخل فيما لا يعني سمع ما لا يرضي. Celui qui se mêle pas des choses qui ne le regardent pas va entendre des paroles qui ne lui plaisent pas. تصور إنسانا يسألك أسئلة ثقيلة. Imagine quelqu'un lourd qui te pose des questions lourdes. فتقول له, et tu lui dis, هذا لا يعنيك, ça te concerne pas. Ça te regarde pas. لا تكون فضوليا. Frère ou sœur, ne sois pas curieux. Ou ne sois pas curieuse. سيسمع ما لا يرضي. Il va entendre des paroles qui ne lui plaisent pas. ولا تجسسوا. Et ne vous espionnez pas. الناس اليوم تفننوا في التجسس. Les gens d'aujourd'hui, les musulmans d'aujourd'hui se sont perfectionnés dans l'espionnage. أعطي بعض الأمثلة. Je donne quelques exemples. أولا, premièrement, إما يسألك مباشرة, soit qu'il t'interroge directement. مرة زارني أخون, يعني في قديم الزمان, شي 20 عام هذه. Une fois, un frère m'a rendu visite. Ça revient à peu près à 20 ans. وأثناء الكلام, et pendant la conversation, سألني ما هو مرتبك الشهري. Pendant la conversation, il m'a dit quel est le montant de ton salaire mensuel. فحاولت التهرب من الجواب. J'ai essayé de fuir, de m'éloigner de la réponse, de dribbler un petit peu. فمن غير حياء بقيت ننظر ننظر ومن غير حياء تكملت وأعاد السؤال يا أخي أجبني كم تربح في الشهر. Et après que j'ai essayé plusieurs fois de fuir, à la fin il m'a répété sans pudeur la même question. Au frère, je veux que tu me dises combien tu gagnes chaque mois. وبعد ذلك سألني. Et après cela il m'a posé une autre question. ما هو مبلغ المساعدة العائلية التي تأخذ في الشهر؟ Quel est mon frère le montant des allocations familiales que tu touches chaque mois؟ قلت له هذه حسب عدد الأولاد. يعني باش ما نجاوبش حسب الأولاد راه. Je lui ai dit, mon frère, ceci c'est selon le nombre des enfants, pour ne pas donner une réponse exacte. واذهب عند صندوق المساعدة. Va mon frère vers la caisse d'allocation familiale. ويعطونك ورقة فيها كل المبالغ حسب الأولاد. Ils vont te donner un barème de montant d'allocation familiale selon le nombre d'enfants. فقال لي, il m'a dit, يا أخي, لا يا أخي, أريد أن أعرف أنت كم تربح. Il m'a dit, non mon frère, je veux savoir toi combien tu gagnes. هذه قلة حياء, قلة أدب. Il s'agit là d'un manque de pudeur. Il s'agit là d'un manque de politesse. يا أخي, يا أختي, au frère, aux sœurs, هناك خطوط حمراء. Il y a des lignes rouges. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et le messager de Dieu, prière et sage, lui a dit toute la vérité لما قال, lorsqu'il a dit, لا تصاحب إلا مؤمنا. Ne prend comme ami qu'un croyant. ولا يدخل بيتك إلا تقي. Et que seul le pieux entre chez toi. فالمؤمن التقي ليس فضولي. Parce que le musulman, le croyant pieux ou la croyante pieuse n'est pas curieux ou n'est pas curieuse. La yatajassas ala al-akharin. Le pieux, le croyant n'espionne pas les autres. Wala tajassasu. Et ne vous espionnez pas. Thaniyan, deuxième mot. Wa imma yas'aluka bi tariqin ghayri mubashir. Ou bien il va t'espionner, il va t'interroger, mais pas un chemin indirect. يبدأ يتكلم عن نفسه. Il commence à parler de lui-même. وعن بعض حياته الشخصية. Et il commence à parler d'une partie de sa vie privée. ليدفعك إلى نفس الشيء. Afin qu'il te pousse vers la même chose. وإذا لم تندفع. Et dans le cas où tu te laisses pas entraîner. فبعد الكلام عن نفسه, après qu'il parle de lui-même, يسألك وأنت كيف تفعل. Il t'interroge, et toi comment tu fais. بمعنى حكيت لك عني, Ça veut dire, je t'ai raconté, je t'ai informé de moi. Maintenant, c'est ton tour, mon frère. Je t'ai raconté sur moi, maintenant, à toi. C'est ton tour. Raconte-moi des choses sur toi. Frère ou sœur, pourquoi je te raconte ? Moi, je t'ai pas obligé de me raconter. Il s'agit d'une ruse. Moi, par politesse, je t'ai écouté. Troisièmement, il va interroger tes amis. Ou il va interroger tes petits-enfants. C'est la honte. C'est là le problème. Un homme avec une barbe, peut-être avec des cheveux blancs. Ourte bihijab, une sœur avec un voile. Le mosib anana drna l'lihya ou drna l'hijab, wala ki ma drnach l'akhlaq li tmshi ma l'lihya ou l'hijab. Le problème, on a laissé pousser la barbe, on a porté un foulard, mais on n'a pas accompagné ces choses-là avec la morale qui doit les accompagner. C'est la honte de demander à mon petit-fils qui a 4 ans ou 5 ans ce que moi je fais. Pourquoi cet espionnage ? يطلب من ولده ان يسال ولدك ولده عنده 5 سنين ولدك عنده 5 سنين ولا 6 ولا 7 ولا او bien qu'il demande ou elle demande à sa fille ou à son fils qui a 4 ans 5 ans de demander l'information chez ton propre fils كل هذا ليعرف معلومه عنك tout ceci pour connaître une information sur toi وكل هذا حرام. Et tout cela est strictement interdit. قال ربنا, notre Seigneur nous a dit, ولا تجسسوا, et ne vous espionnez pas. ما هي الفائدة من كل هذا? Quel est l'intérêt de tout cela? هو أن يصنع لكل شخص سجلا عن حياته. Le but, c'est de créer un répertoire pour toutes les personnes, un répertoire de sa vie. عن عمله, de son travail, عن زوجته, de sa femme, عن أولاده, de ses enfants. ابنه دخل السجن, son fils est entré en prison, ابنته تطلقت, sa fille a divorcé, إلى آخره, etc. ولما تكون هناك صهرة, et lorsqu'il y a une soirée, أو لقاء عند أحد, ou une rencontre chez quelqu'un, تكون هناك مسابقة بين الفضوليين. Il y a là, pendant cette soirée, une compétition entre les curieux. لما يذكر اسم أحد, lorsqu'on cite le nom de quelqu'un, كل فضولي يحاول أن يبين للآخرين أنه يعرف عنه أكبر عدد من المعلومات. Chaque curieux veut montrer aux autres que c'est le premier parce qu'il a collecté le maximum d'informations. وربما يحرف وربما يزيد, et peut-être il va même modifier l'information ou il va allonger des kilomètres l'information. وإذا صارت خصومة معه, et lorsqu'il y a une dispute avec la personne concernée, قال للناس كل أسراره, il va dire aux gens tout ce qu'il a collecté comme information et comme secret. أخي هناك قاعدة, frère ou sœur, il y a une règle. من أخبرك بأسرار الناس فاعلم بأنه سيخبر الناس بأسرارك. Celui qui t'informe des secrets des autres, sache, mon frère ou ma sœur, qu'il va informer les gens de tes propres secrets. ومع الأسف هذا هو حال كثير من المسلمين اليوم. Et malheureusement, ceci est l'état de beaucoup de musulmans d'aujourd'hui. مرضى, des malades. همهم هو معرفة أخبار الآخرين. Leur souci est le est la recherche des informations des autres. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière et saïsou lui dit: من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. Celui qui ne dévoile pas les secrets d'un musulman, Dieu ne dévoilera pas ses secrets ou ses défauts dans la vie ici-bas. Et dans l'au-delà, رواه الإمام مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه, rapporté par l'imam مسلم et par d'autres. بمعنى, ceci signifie, من يفضح عورة مسلم فضحه الله في الدنيا والآخرة. Ceci signifie que celui qui dévoile l'intimité d'un musulman, Dieu va dévoiler ses intimités dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. Hasab ma rawa Ibn Majah, selon Ibn Majah. Al-Asl, al-Muslim al-Haqiqi, la yatakallam an asrar innas. Normalement, en principe, le vrai musulman, la vraie musulmane, ne parle pas des secrets des autres aux gens. Hatta walaw adaw, même si ces autres lui ont fait mal. Ou khasamou, même si ces autres ont coupé ou ont fait une dispute avec lui. Ou sara talaq, ou même après divorce. Normalement, le mari ne doit pas raconter les secrets de sa femme après un divorce. La femme ne doit pas raconter les secrets de son mari après un divorce. Il a akhiré. Yaqulul mathal, le proverbe dit, sudurul ahrar, quburun lil asrar. Les poitrines des gens libres sont les tombes des secrets. بمعنى أنت لست حرا إذا كنت لا تحافظ على السر. C'est-à-dire tu n'es pas libre, tu n'es pas pieux si tu ne préserves pas le secret. أي سر عندك فهو أمانة. Chaque secret que tu as sur quelqu'un, il t'a dit ça ou tu l'as vu, c'est un dépôt auprès de toi. إذا قلته فقد خنت الأمانة. Dans le cas où tu le publies, tu as trahi le dépôt. وهذه علامة من علامة النفاق. Et il s'agit là d'un signe parmi les signes de l'hypocrisie. قال صلى الله عليه وسلم عن المنافق. Le prophète prière, il lui dit à propos de l'hypocrite, إِذَا تُمِنَ خَانَ. Lorsqu'on lui confie un dépôt, par exemple un secret, il le trahit. والإسلام قد شدد في هذا الجانب. L'islam a bien durci dans ce côté-là. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière et sage lui dit, إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا في النار. هذه كلمة واحدة. أما الليلة كله وكيتكلم الله أعلم. متفق عليه. Le prophète dit, l'homme à cause d'un seul mot qu'il prononce sans se soucier chute pendant 70 automnes en enfer. Un seul mot. Mais que dire de celui qui passe une soirée à prononcer des mots? Muttafaqun alayhi, unanimement authentique. Wa fi riwaya, li tkallam al-kalima li yudhhik an-nas. Dans une version, celui qui prononce un mot afin de faire rire les autres. Wa naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'an al-qil wal-qal. Le prophète prière et sage lui a interdit l'excès de dire. Il a dit, on a dit, ils ont dit, etc. Wa ida'at al-mal. Il a interdit le gaspillage de l'argent. Wa katrat al-su'al. Et il a interdit l'excès de questions. Muttafaqun alayhi, unanimement authentique. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, amsik alayka lisanak. Le prophète prière a dit, garde bien ta langue. Et que ta maison te suffise. C'est-à-dire, c'est pas la peine de sortir s'il n'y a pas une nécessité. Reste chez toi, mon frère. Ou ma sœur. Et pleure ton péché. Garde ta langue, reste chez toi et pleure ton péché. Rawahu l'imam al-Tirmidhi wa Abu Daoud, rapporté par l'imam Tirmidhi et par l'imam Abu Daoud. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit de la même manière, prière et sage sur lui. Al-Muslim, man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadi. Le musulman est celui qui laisse en paix les musulmans de tout ce qui peut venir de sa bouche, de sa langue ou de sa main. Muttafaqun alayhi, unanimement authentique. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit prière et sage sur lui. Man yadmanu li ma bayna lahiyayhi, yani fumu, ma bayna lahiyayhi dialou, le femme dialou, celui qui me garantit la chose qui se trouve entre ses deux mâchoires, c'est-à-dire sa bouche, sa langue, wa ma bayna rijlayhi, et la chose qui se trouve entre ses deux pieds, c'est-à-dire son sexe, admanu lahu al-janna, je lui garantis le paradis. Rawa al-imam Bukhari wa al-Tirmidhi, rapporté par al-Bukhari et al-Tirmidhi. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit de la même manière, prière et sage, man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, celui qui croit vraiment en Dieu et au jour dernier, falyakul khayran ou liyasmut, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Muttafaqun alayhi, unanimement authentique. Fassamtu hikmah, le silence en islam est une sagesse. Wassamtu ibadah, et le silence est une adoration. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam li Mu'ad ibn Jabal, et il a dit prière et sage sur lui, à Mu'ad, fils de Jabal, que Dieu soit satisfait de lui, kuffa alayka hada, garde bien celle-ci, ça veut dire ta langue. Wa ashara ila lisanihi, et il a indiqué sa langue. Qala Mu'ad, Mu'addi s'interroge, « Ya Nabi Allah, ô prophète de Dieu, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi, est-ce qu'on est responsable de ce qu'on dit ?» Qala sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit prière et ça est sur lui, « Wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim illa hasa'idu al-sinatihim ?» Et qu'est-ce qui fait jeter les gens en enfer sur leur visage, à part la récolte de leur langue, ça veut dire de leur parole? Rawahu al-Tirmidhi, wa qala hadithun hasanun sahih, wa rawahu l'imam Ahmad wa al-Nasa'i wa ibn Majah. Ce hadith a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi, qui l'a qualifié de bon et authentique. Il a été aussi rapporté par l'imam Ahmad al-Nasa'i ibn Majah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى أما بعد عباد الله après ceci serviteur de Dieu كل إنسان كما قلت حر وله الحق كل الحق في ستر حياته الخاصة chaque homme chaque femme est libre. Et il a le droit, le plein droit, tout le droit de préserver sa vie intime. وهذا طريق النجاح. Et c'est le chemin du succès. السر والكتمان بهما تقضى الحوائج. Le secret est de cacher ses projets et le bon chemin afin de concrétiser, de réaliser ses projets, comme le dit l'islam. كما يقول الإسلام. والإنسان في الحقيقة إذا أراد استشارة فهو يستشير مع إنسان مؤمن تقي لا يبوح بالسر طول حياته قلبه سيكون قبرا لسره. Et normalement, lorsque quelqu'un a besoin de demander une consultation, il consulte, il demande l'avis d'un pieux ou d'une pieuse qui va faire de son cœur une tombe du secret de son frère ou de sa sœur. والأحمق هو الذي لا يستطيع إخفاء ما في صدره. Et le fou est celui qui est incapable, le pauvre ou la pauvre, de cacher ce qui se trouve dans sa poitrine. فَيُبْدِيهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرِي. Et il dévoile tout sans se rendre compte. كَمَا قَالَ الْإِمَامُ الْغَزَالِ فِي كِتَابِهِ الْإِحْيَاءِ. Comme l'a souligné l'imam al-Ghazali dans son livre. وَأَضَافَ الْغَزَالِ. Et l'imam al-Ghazali a rajouté. فَيَجِبْ مُقَاطَعَةَ الْحَمْقَى. Il a dit il faut couper avec les fous. والتوقي من صحبتهم. Et il faut s'éloigner, ne pas les prendre comme amis. أقول, je dis, فالذي لا يستطيع المحافظة على أسراره. Celui qui est incapable de garder ses propres secrets. فكيف يحافظ على أسرارك إذا اتخذته صديقا. Comment celui-ci ou celle-ci va préserver ou va garder tes secrets dans le cas où tu le prends comme ami. ومع الأسف الآن الذي يحافظ على حياته الشخصية يرفضه الناس. ويغضبون عليه لأنه لا يقول شيئا. Malheureusement maintenant, celui qui garde, qui préserve sa vie intime, la vie de sa femme, la vie de son mari, la vie de ses enfants, les gens le détestent et se fâchent sur lui parce qu'il ne dit rien, parce qu'il est malade. وفي الأخير أقول كلمة للفضولي. Et à la fin, je dis un mot à celui qui est curieux. الذي يتجسس عن الآخرين. Celui qui espionne les autres. أخي أختي frère sœur أولا premièrement لما تسأل غيرك عما لا يعنيك lorsque tu interroges l'autre à propos des choses qui te concernent pas فأنت تضيع وقتك tu perds ton propre temps وتلجئ الآخر إلى تضيع وقته بالجواب على سؤالك السخيف أو الثقيل et tu obliges l'autre à perdre aussi son temps pour répondre à ta question lourde هو ليس لك شيء تفعله؟ Est-ce que tu n'as rien à faire؟ عندك يعني وقت فارغ هكذا؟ تتكلم عن الناس وتبحث عن الناس وتسأل الناس ما عندك ما تدير؟ Est-ce que tu as beaucoup de temps libre؟ Tu n'as rien à faire؟ À part rechercher des collecter des informations sur les autres؟ ما عندك شغل؟ Tu n'as pas un travail؟ لا تنسى الموت الذي يجري وراءك. N'oublie pas la mort qui court derrière toi. وإنك مسؤول أمام الله. يوم القيامة. Et tu es responsable le jour de la résurrection devant Dieu عن كل كلمة وعن كل دقيقة ضيعتها في حياتك. Tu seras interrogé à propos de chaque mot et de chaque minute. Deuxièmement, لما تسأل غيرك عن حياته الخاصة فإنك تحرجه. Lorsque tu interroges quelqu'un à propos de sa vie privée, mon frère ou ma sœur, tu le mets en difficulté. Tu le gênes. وربما تدفعه للكذب. Et peut-être tu le pousses à mentir. وهذا حرام. Et il s'agit d'une chose interdite. وستعرف عند الناس. Et tu seras dévoilé. Toi, mon frère ou ma sœur, tu seras dévoilé auprès des gens. وسيتركك الناس. Et tu seras abandonné par les gens. وتبقى من دون أصدقاء. Et tu vas rester sans amis. Parce que tout le monde va se méfier de toi. ثالثاً, troisièmement, بدل أن تبحث عن عيوب الناس. Au lieu de chercher les défauts des autres, c'est une chose normale, ordinaire, naturelle. Chacun a ses propres défauts. Ça veut dire que tu vas découvrir quelque chose de spécial ou quoi? Celui qui te dit, moi, je n'ai pas de défaut du tout, dis-lui, tu es menteur. Chacun a ses propres défauts. Et pourquoi tu te mêles des défauts des autres? كل إنسان له عيوب ربما يتوب منها. Chacun a ses propres défauts et peut-être il va s'en repentir. ويغفر له ربه et peut-être son Seigneur va lui pardonner. وأنت ربك سيسألك عن عيوبك وليس عن عيوب الناس. Et toi ton Seigneur il va t'interroger à propos de tes propres défauts et non pas des défauts des autres. فهل رأيت عيوبك. As-tu vu tes propres défauts? هل رأيت ذنوبك? As-tu vu tes propres péchés? الرابعة والأخيرة, le quatrième et dernier point, هذا الذي تجمع أخباره, celui-ci, ce frère ou cette sœur, que tu collectes ces informations, وتتكلم بها في غيابه, et tu parles de ces informations, tu informes les gens pendant son absence, وتجد حلاوة, et tu trouves un certain plaisir à dire des choses sur quelqu'un. وَتَضْحَكُ بَيْنَ النَّاسِ et tu ris lorsque tu racontes ça parmi les gens. سَيَفْضَحُكَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا. Dieu va te dévoiler, va dévoiler tes propres intimités dans cette vie ici-bas. وَعَدْ مِنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Une promesse du prophète صلى الله عليه وسلم. سَيَفْضَحُكَ أو يفضح زوجتك أو يفضح أولادك. Il va te dévoiler toi-même ou il va dévoiler ta femme ou ton fils ou ta fille ou je sais pas. وغدا يوم القيامة. Et le jour de la résurrection, ستعطيه من حسناتك. Le jour de la résurrection, tu vas lui donner de tes propres bonnes actions. هو لم يقم بشيء. Lui il n'a rien fait. لم يصلي. Il n'a pas fait la prière. لم يحج إلى غير ذلك. Il n'a pas fait le pèlerinage, etc. ولكن يأخذ هدية من عندك مباركة أمام الله. Mais il va recevoir de ta propre main un cadeau béni devant Dieu سبحانه وتعالى. حسنات صلاتك أنت وحجك أنت. Il va prendre les bonnes actions de ta propre prière et de ton propre jeûne ou ton propre pèlerinage. أترضى بذلك. Acceptes-tu cela que tu donnes comme cadeau aux gens tes bonnes actions le jour de la résurrection? In kunta la tarda, dans le cas où tu n'agrées pas ça pour toi, tub ila Allah, repends-toi à Dieu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin. Allahumma inni da'in fa aminu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina wa al-afu wa al-afiyah في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب لا تجعلنا من الفضوليين. يا رب لا تجعلنا من الحمقى والمغفلين. يا رب اجعلنا من عبادك الأبرار. اجعلنا من عبادك المتقين. يا رب الهنا بعيوبنا عن عيوب الناس. يا رب لا تجعلنا من المتجسسين. يا رب الهنا بك, الهنا بعبادتك. املأ قلوبنا بمحبتك ولا تملأ قلوبنا بأخبار الناس التي لا تنفع ولا تضر. يا رب